Dans une lettre à son frère Théo, datée d'octobre 1888, Van Gogh décrit la genèse de cette peinture, l'accompagnant même d'une petite esquisse pour que Théo puisse se faire une idée de la composition. Il explique que le sujet lui a en partie été inspiré par le roman d'Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, où il est question d'une vieille diligence. Il parle aussi de sa technique et de l'influence de certains artistes sur la peinture, comme par exemple Claude Monet et Adolphe Monticelli. As-tu déjà relu les Tartarins ? Ah, ne l'oublie pas. Te rappelles-tu dans Tartarin la complainte de la vieille diligence de Tarascon, cette admirable page ? Eh bien, je viens de la peindre, cette voiture rouge et verte dans la cour de l'auberge. Les deux voitures très colorées, vert, rouge, rouge-jaune, noir, bleu, orangé. Les voitures sont peintes à la Monticelli, avec des empattements. Tu avais dans le temps un bien beau Claude Monet représentant quatre barres colorées sur une plage. Eh bien, c'est ici des voitures, mais la composition est dans le même genre.